Je m'appelle Suzanne et j'habite à Los Angeles. Moi, j'habite à Lille et je m'appelle Edgar. Moi, c'est Pedro et j'habite à Barcelone. Bonjour, j'habite à Milan et je m'appelle Alma. Je m'appelle Fang et j'habite à Shanghai.